Section 31 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre 10e. Ce livre a été écrit en 1839. Je réunis autour de moi mes anciens adversaires. Mon public est changé. Extrait de ma polémique après ma chute. Séjour à Lausanne. Retour à Paris. Les Jésuites. Lettre de M. de Montlosier et ma réponse. Suite de ma polémique. Lettre du général Sébastiani. Mort du général Foy. La loi de justice et d'amour. Lettre de M. Étienne. Lettre de M. Benjamin Constant. J'atteins au plus haut point de mon importance politique. Article sur la fête du roi. Retrait de la loi sur la police de la presse. Paris illuminé. Billet de M. Michaud. Irritation de M. de Villèle. Charles X veut passer la revue de la garde nationale au Champ de Mars. Je lui écris. Ma lettre. La revue. Licenciement de la garde nationale. La chambre élective est dissoute. La nouvelle chambre. Refus de concours. Chute du ministère Villèle. Je contribue à former le nouveau ministère et j'accepte l'ambassade de Rome. Examen d'un reproche. Paris avait vu ses dernières fêtes. L'époque d'indulgence, de réconciliation, de faveur était passée. La triste vérité restait seule devant nous. Lorsqu'en 1820, la censure mit fin aux conservateurs, je ne m'attendais guère à recommencer 4 ans après la même polémique sous une autre forme et par le moyen d'une autre presse. Les hommes qui combattaient avec moi dans le conservateur réclamaient comme moi la liberté de penser et d'écrire. Ils étaient dans l'opposition comme moi, dans la disgrâce comme moi, et ils se disaient mes amis. Arrivés au pouvoir en 1820, encore plus par mes travaux que par les leurs, ils se tournèrent contre la liberté de la presse. De persécutés, ils devinrent persécuteurs. Ils cessèrent d'être et de se dire mes amis. Ils soutinrent que la licence de la presse n'avait commencé que le 6 de juin 1824, jour de mon renvoi du ministère. Leur mémoire était courte. S'ils avaient relu les opinions qu'ils prononcèrent, les articles qu'ils écrivirent contre un autre ministère et pour la liberté de la presse, ils auraient été obligés de convenir qu'ils étaient au moins en 1818 ou 1819 les sous-chefs de la licence. D'un autre côté, mes anciens adversaires se rapprochèrent de moi. J'essayais de rattacher les partisans de l'indépendance à la royauté légitime avec plus de fruits que je ne ralliais à la charte les serviteurs du trône et de l'autel. Mon public avait changé. J'étais obligé d'avertir le gouvernement des dangers de l'absolutisme après l'avoir prémuni contre l'entraînement populaire. Accoutumé à respecter mes lecteurs, je ne leur livrais pas une ligne que je ne l'eusse écrite avec tout le soin dont j'étais capable. Tel de ces opuscules d'un jour m'a coûté plus de peine, proportion gardée, que les plus longs ouvrages sortis de ma plume. Ma vie était incroyablement remplie. L'honneur et mon pays me rappelèrent sur le champ de bataille. J'étais arrivé à l'âge où les hommes ont besoin de repos. Mais si j'avais jugé de mes années par la haine toujours croissante que m'inspiraient l'oppression et la bassesse, j'aurais pu me croire rajeuni. Je réunis autour de moi une société d'écrivains pour donner de l'ensemble à mes combats. Il y avait parmi eux des pairs, des députés, des magistrats, de jeunes auteurs commençant leur carrière. Arrivèrent chez moi messieurs de Montalivet, Salvandi, Duverger de Haurane, bien d'autres qui furent mes écoliers et qui débitent aujourd'hui comme choses nouvelles sur la monarchie représentative des choses que je leur ai apprises et qui sont à toutes les pages de mes écrits. Monsieur de Montalivet est devenu ministre de l'Intérieur et favori de Philippe. Les hommes qui aiment à suivre les variations d'une destinée trouveront ce billet assez curieux. Monsieur le Vicomte, j'ai l'honneur de vous envoyer le relevé des erreurs que j'avais trouvées dans le tableau de jugements en cour royale qui vous a été communiqué. Je les ai vérifiées encore et je crois pouvoir répondre de l'exactitude de la liste ci-jointe. Daignez, monsieur le Vicomte, agréer l'hommage du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être votre bien dévoué collègue et sincère admirateur, Montalivet. Cela n'a pas empêché mon respectueux collègue et sincère admirateur, monsieur le comte de Montalivet, en son temps si grand partisan de la liberté de la presse, de m'avoir fait entrer comme fauteur de cette liberté dans la geôle de M. Gisquet. De ma nouvelle polémique qui dura 5 ans, mais qui finit par triompher, un abrégé fera connaître la force des idées contre les faits appuyés même du pouvoir. Je fus renversé le 6 juin 1824. Le 21, j'étais descendu dans l'arène. J'y restai jusqu'au 18 décembre 1826. J'y entrai seul, dépouillé et nu, et j'en sortis victorieux. C'est de l'histoire que je fais ici en faisant l'extrait des arguments que j'employais, extrait de ma polémique après ma chute. Nous avons eu le courage et l'honneur de faire une guerre dangereuse en présence de la liberté de la presse, et c'était la première fois que ce noble spectacle était donné à la monarchie. Nous nous sommes vite repentis de notre loyauté. Nous avions bravé les journaux lorsqu'ils ne pouvaient nuire qu'au succès de nos soldats et de nos capitaines. Il a fallu les asservir lorsqu'ils ont osé parler des commis et des ministres. Si ceux qui administrent l'État semblent complètement ignorer le génie de la France dans les choses sérieuses, ils n'y sont pas moins étrangers dans ces choses de grâces et d'ornements qui se mêlent pour l'embellir à la vie des nations civilisées. Les largesses que le gouvernement légitime répand sur les arts surpassent les secours que leur accordait le gouvernement usurpateur. Mais comment sont-elles départies ? Voués à l'oubli, par nature et par goût, les dispensateurs de ces largesses paraissent avoir de l'antipathie pour la renommée. Leur obscurité est si invincible qu'en approchant des lumières, ils les font pâlir. On dirait qu'ils versent l'argent sur les arts pour les éteindre, comme sur nos libertés pour les étouffer. Encore si la machine étroite dans laquelle on met la France à la gêne ressemblait à ces modèles achevés que l'on examine à la loupe dans le cabinet des amateurs, la délicatesse de cette curiosité pourrait intéresser un moment. Mais point, c'est une petite chose mal faite. Nous avons dit que le système suivi aujourd'hui par l'administration blesse le génie de la France. Nous allons essayer de prouver qu'il méconnaît également l'esprit de nos institutions. La monarchie s'est rétablie sans effort en France, parce qu'elle est forte de toute notre histoire, parce que la couronne est portée par une famille qui a presque vu naître la nation, qui l'a formée, civilisée, qui lui a donné toutes ses libertés, qui l'a rendue immortelle. Mais le temps a réduit cette monarchie à ce qu'elle a de réel. L'âge des fictions est passé en politique. On ne peut plus avoir un gouvernement d'adoration, de culte et de mystère. Chacun connaît ses droits. Rien n'est possible hors des limites de la raison. Et jusqu'à la faveur, dernière illusion des monarchies absolues, tout est pesé, tout est apprécié aujourd'hui. Ne nous y trompons pas. Une nouvelle ère commence pour les nations. Sera-t-elle plus heureuse ? La Providence le sait. Quant à nous, il ne nous est donné que de nous préparer aux événements de l'avenir. Ne nous figurons pas que nous puissions rétrograder. Il n'y a de salut pour nous que dans la charte. La monarchie constitutionnelle n'est point née parmi nous d'un système écrit, bien qu'elle ait un code imprimé. Elle est fille du temps et des événements, comme l'ancienne monarchie de nos pères. Pourquoi la liberté ne se maintiendrait-elle pas dans l'édifice élevé par le despotisme et où il a laissé des traces ? La victoire, pour ainsi dire encore parée de 3 couleurs, s'est réfugiée dans la tente du duc d'Angoulême. La légitimité habite le Louvre, bien qu'on y voie encore des aigles. Dans une monarchie constitutionnelle, on respecte les libertés publiques. On les considère comme le sauvegarde du monarque, du peuple et des lois. Nous entendons autrement le gouvernement représentatif. On forme une compagnie, on dit même 2 compagnies rivales, car il faut de la concurrence, pour corrompre des journaux à prix d'argent. On ne craint pas de soutenir des procès scandaleux contre des propriétaires qui n'ont pas voulu se vendre. On voudrait les forcer à subir le mépris par arrêt des tribunaux. Les hommes d'honneur répugnant au métier, on enrôle pour soutenir un ministère royaliste des libellistes qui ont poursuivi la famille royale de leurs calomnies. On recrute tout ce qui a servi dans l'ancienne police et dans l'antichambre impériale. Comme chez nos voisins, lorsqu'on veut se procurer des matelots, on fait la presse dans les tavernes et les lieux suspects. Ces chourmes d'écrivains libres sont embarqués dans 5 ou 6 journaux achetés, et ce qu'ils disent s'appelle l'opinion publique chez les ministres. Voilà, très en abrégé, et peut-être encore trop longuement, un spécimen de ma polémique dans mes brochures et dans le journal des débats. On y retrouve tous les principes que l'on proclame aujourd'hui. Lorsqu'on me chassa du ministère, on ne me rendit point ma pension de ministre d'État. Je ne la réclamai point. Mais M. de Villèle, sur une observation du roi, s'avise de me faire expédier un nouveau brevet de cette pension par M. de Perronnet. Je la refusai. Ou j'avais droit à mon ancienne pension, ou je n'y avais pas droit. Dans le premier cas, je n'avais pas besoin d'un nouveau brevet. Dans le second, je ne voulais pas devenir le pensionnaire du président du conseil. Les Hélènes secouèrent le joug. Il se forma à Paris un comité grec dont je fis partie. Le comité s'assemblait chez M. Ternaud, place des Victoires. Les sociétaires arrivaient successivement au lieu des délibérations. M. le général Sébastiani déclarait, lorsqu'il était assis, que c'était une grosse affaire. Il la rendait longue. Cela déplaisait à notre positif président, M. Ternaud, qui voulait bien faire un châle pour Aspasie, mais qui n'aurait pas perdu son temps avec elle. Les dépêches de M. Favier faisaient souffrir le comité. Il nous grognait fort. Il nous rendait responsables de ce qui n'allait pas selon ses vues, nous qui n'avions pas gagné la bataille de Marathon. Je me dévouais à la liberté de la Grèce. Il me semblait remplir un devoir filial envers une mère. J'écrivis une note. Je m'adressais au successeur de l'empereur de Russie comme je m'étais adressé à lui-même à Vérone. La note a été imprimée et puis réimprimée à la tête de l'itinéraire. Note. Note sur la Grèce, 1825 in octavo. Elle reparut en 1826 avec de nouveaux développements. C'est un des plus éloquents écrits de Chateaubriand. La première édition était précédée de cet avertissement. Ce n'est point un livre, pas même une brochure qu'on publie, c'est sous une forme particulière le prospectus d'une souscription. Et voilà pourquoi il est signé. C'est un remerciement et une prière qu'un membre de la société en faveur des Grecs adresse à la piété nationale. Il remercie des dons accordés. Il prie d'en apporter de nouveaux. Il élève la voix au moment de la crise de la Grèce. Et comme pour sauver ce pays, les secours de la générosité des particuliers ne suffiraient peut-être pas, il cherche à procurer à une cause sacrée de plus puissants auxiliaires. Fin de note. Je travaillais dans le même sens à la Chambre des Pairs pour mettre en mouvement un corps politique. Ce billet de M. Mollet fait voir les obstacles que je rencontrais et les moyens détournés que j'étais obligé de prendre. Vous nous trouverez tous demain à l'ouverture, prêts à voler sur vos traces. Je vais écrire à l'aîné si je ne le trouve pas. Il ne faut lui laisser prévoir que des phrases sur les Grecs. Mais prenez garde qu'on ne vous oppose les limites de tout amendement et que le règlement à la main, on ne vous repousse. Peut-être on vous dira de déposer votre proposition sur le bureau. Vous pourriez le faire alors subsidiairement et après avoir dit tout ce que vous avez à dire. Pasquier vient d'être assez malade, et je crains qu'il ne soit pas encore sur pied demain. Quant au scrutin, nous l'aurons. Ce qui vaut mieux que tout cela, c'est l'arrangement que vous avez fait avec vos libraires. Il est beau de retrouver par son talent tout ce que l'injustice et l'ingratitude des hommes nous avaient ôté. À vous pour la vie, Mollet. La Grèce est devenue libre du joug de l'islamisme. Mais au lieu d'une république fédérative, comme je le désirais, une monarchie bavaroise s'est établi à Athènes. Or, comme les rois n'ont pas de mémoire, moi qui avais quelque peu servi la cause des Argiens, je n'ai plus entendu parler d'eux que dans Homère. La Grèce délivrée ne m'a pas dit « Je vous remercie ». Elle ignore mon nom autant et plus qu'au jour où je pleurais sur ses débris en traversant ses déserts. L'Hélénie, non encore royale, avait été plus reconnaissante. Parmi quelques enfants que le comité faisait élever se trouvait le jeune Canaris. Son père, digne des marins de Mycale, lui écrivit un billet que l'enfant traduisit en français sur le papier blanc qui restait au bas du billet. Voici cette traduction. « Mon cher enfant, aucun des Grecs n'a eu le même bonheur que toi, celui d'être choisi par la société bienfaisante qui s'intéresse à nous pour apprendre les devoirs de l'homme. Moi, je t'ai fait naître, mais ces personnes recommandables te donneront une éducation qui rend véritablement homme. » Sois bien docile au conseil de ces nouveaux pères si tu veux faire la consolation de celui qui t'a donné le jour. Porte-toi bien, ton père, c'est Canaris. De Napoli de Romanie, le 5 septembre 1825. J'ai conservé le double texte comme la récompense du comité grec. La Grèce républicaine avait témoigné ses regrets particuliers lorsque je sortis du ministère. Madame Récamier m'avait écrit de Naples le 29 octobre 1824. Je reçois une lettre de la Grèce qui a fait un long détour avant de m'arriver. J'y trouve quelques lignes sur vous que je veux vous faire connaître. Les voici. L'ordonnance du 6 juin nous est parvenue. Elle a produit sur nos chefs la plus vive sensation. Leurs espérances les plus fondées étant dans la générosité de la France, ils se demandent avec inquiétude ce que présage l'éloignement d'un homme dont le caractère leur promettait un appui. Ou je me trompe, ou cet hommage doit vous plaire. Je joins ici la lettre, la première page ne concernait que moi. On lira bientôt l'avis de Madame Récamier. On saura s'il m'était doux de recevoir un souvenir de la patrie des Muses par une femme qui l'eût embellie. Quant au billet de M. Mollet donné plus haut, il fait allusion au marché que j'avais conclu relativement à la publication de mes œuvres complètes. Cet arrangement aurait dû, en effet, assurer la paix de ma vie. Il a néanmoins tourné mal pour moi, bien qu'il ait été heureux pour les éditeurs auxquels M. l'avocat, après sa faillite, a laissé mes œuvres. En fait de Plutus ou de Pluton, les mythologistes les confondent, je suis comme Alceste, je vois toujours la barque fatale. Ainsi que William Pitt, et c'est mon excuse, je suis un panier percé. Mais je ne fais pas moi-même le trou au panier. À la fin de la préface générale de mes œuvres, 1826, premier volume, j'apostrophe ainsi la France. « Ô France, mon cher pays et mon premier amour, un de vos fils au bout de sa carrière rassemble sous vos yeux les titres qu'il peut avoir à votre bienveillance. S'il ne peut plus rien pour vous, vous pouvez tout pour lui, en déclarant que son attachement à votre religion, à votre roi, à vos libertés, vous fut agréable. Illustre et belle patrie, je n'aurais désiré un peu de gloire que pour augmenter la tienne. » Madame de Chateaubriand, étant malade, fit un voyage dans le midi de la France. Ne s'en trouva pas bien, revint à Lyon, où le docteur Prunel la condamna. Je l'allai rejoindre, je la conduisis à Lausanne, où elle fit mentir M. Prunel. Je demeurai à Lausanne, tour à tour, chez M. de Sivry et chez Madame de Cotins, femme affectueuse, spirituelle et infortunée. Je vis Madame de Montaulieu. Elle demeurait retirée sur une haute colline. Elle mourait dans les illusions du roman, comme Madame de Genlis, sa contemporaine. Gibbon avait composé à ma porte son histoire de l'Empire romain. « C'est au milieu des débris du Capitole, écrit-il à Lausanne, le 27 juin 1787, que j'ai formé le projet d'un ouvrage qui a occupé et amusé près de 20 années de ma vie. Madame de Staël avait paru, avec Madame Récamier, à Lausanne. Toute l'émigration, tout un monde fini, s'était arrêté quelques moments dans cette cité riante et triste, espèce de fausse ville de Grenade. Madame de Duras en a retracé le souvenir dans ses mémoires, et ce billet m'y vint apprendre la nouvelle perte à laquelle j'étais condamnée. Bex, 13 juillet 1826. C'en est fait, monsieur, votre ami n'existe plus. Note. La marquise de Custine. Fin de note. Elle a rendu son âme à Dieu sans agonie ce matin à 11h-15. Elle s'était encore promenée en voiture hier au soir. Rien n'annonçait une fin aussi prochaine. Que dis-je, nous ne pensions pas que sa maladie dût se terminer ainsi. Monsieur de Custine, à qui la douleur ne permet pas de vous écrire lui-même, avait encore été hier matin sur une des montagnes qui environnent Bex pour faire venir tous les matins du lait des montagnes pour la chère malade. Je suis trop accablé de douleur pour pouvoir entrer dans de plus longs détails. Nous nous disposons pour retourner en France avec les restes précieux de la meilleure des mères et des amies. Enguerrand reposera entre ces deux mères. Nous passerons par Lausanne, où M. de Custine ira vous chercher aussitôt notre arrivée. Recevez, monsieur, l'assurance de l'attachement respectueux avec lequel je suis, etc. Berstecher. Note. Louis-Philippe Enguerrand de Custine, fils unique de Léontine de Saint-Simon de Courtomer et d'Adolphe de Custine, mort à l'âge de 3 ans, le 2 janvier 1826. Il est enterré dans la chapelle du château de Fervaques, entre sa mère et sa grand-mère. M. Berstecher était l'ancien précepteur d'Astolphe de Custine. Fin de note. chercher plus haut et plus bas ce que j'ai eu le bonheur et le malheur de rappeler relativement à la mémoire de Madame de Custine. Les « Lettres écrites de Lausanne », ouvrage de Madame de Charrière, rendent bien la scène que j'avais chaque jour sous les yeux et les sentiments de grandeur qu'elle inspire. Je me repose seule, dit la mère de Cécile, vis-à-vis d'une fenêtre ouverte qui donne sur le lac. Je vous remercie, montagne, neige, soleil, de tout le plaisir que vous me faites. Je vous remercie, auteur de tout ce que je vois, d'avoir voulu que ces choses fussent si agréables à voir, beautés frappantes et aimables de la nature. Tous les jours, mes yeux vous admirent, tous les jours, vous vous faites sentir à mon cœur. Je commençai à Lausanne les remarques sur le premier ouvrage de ma vie, l'essai sur les révolutions anciennes et modernes. Je voyais de mes fenêtres les rochers de Maillery. Rousseau, écrivais-je dans une de ses remarques, n'est décidément au-dessus des auteurs de son temps que dans une soixantaine de lettres de la Nouvelle Héloïse, dans quelques pages de ses rêveries et de ses confessions. Là, placé dans la véritable nature de son talent, il arrive à une éloquence de passion inconnue avant lui. Voltaire et Montesquieu ont trouvé des modèles de style dans les écrivains du siècle de Louis XIV. Rousseau et même un peu Buffon, dans un autre genre, ont créé une langue qui fut ignorée du grand siècle. De retour à Paris, ma vie se trouva occupée entre mon établissement rue d'Enfer, mes combats renouvelés à la Chambre des Pairs et dans mes brochures contre les différents projets de loi contraires aux libertés publiques, entre mes discours et mes écrits en faveur des Grecs et mon travail pour mes œuvres complètes. L'empereur de Russie mourut, et avec lui la seule amitié royale qui me resta. Note. L'empereur Alexandre mourut à Taganrog le 1er décembre 1825. Fin de note. Le duc de Montmorency était devenu gouverneur du duc de Bordeaux. Il ne jouit pas longtemps de ce pesant honneur. Il expira le vendredi saint 1826 dans l'église de Saint-Thomas d'Aquin, à l'heure où Jésus expira sur la croix. Il alla à Dieu avec le dernier soupir du Christ. L'attaque était commencée contre les jésuites. On entendit les déclamations banales et usées contre cet ordre célèbre, dans lequel, il faut en convenir, règne quelque chose d'inquiétant, car un mystérieux nuage couvre toujours les affaires des jésuites. À propos des jésuites, je reçus cette lettre de M. de Montlosier, et je lui fis la réponse qu'on lira après cette lettre. Ne dere linquas amicum anticum, novus enim non erit similis illi. Ecclésiaste. Mon cher ami, ces paroles ne sont pas seulement d'une haute antiquité, elles ne sont pas seulement d'une haute sagesse, pour le chrétien, elles sont sacrées. J'invoque auprès de vous tout ce qu'elles ont d'autorité. Jamais entre les anciens amis, jamais entre les bons citoyens, le rapprochement n'a été plus nécessaire. Serrez entre nous tous les liens, excitez avec émulation tous nos vœux, tous nos efforts, tous nos sentiments, est un devoir commandé par l'état éminemment déplorable du roi et de la patrie. En vous adressant ces paroles, je n'ignore pas qu'elles seront reçues par un cœur que l'ingratitude et l'injustice ont navré. Et cependant, je vous les adresse encore avec confiance, certain que je suis qu'elles se feront jour à travers toutes les nuées. En ce point délicat, je ne sais, mon cher ami, si vous serez content de moi. Mais, au milieu de vos tribulations, si par hasard j'ai entendu vous accuser, je ne me suis point occupé à vous défendre. Je n'ai pas même écouté. Je me suis dit en moi-même, et quand cela serait? Je ne sais si Alcibiade n'eut pas un peu trop d'humeur quand il mit hors de sa propre maison le rhéteur qui ne put lui montrer les ouvrages d'Homère. Je ne sais si Hannibal n'eut pas un peu trop de violence quand il jeta hors de son siège le sénateur qui parlait contre son avis. Si j'étais admis à dire ma façon de penser sur Achille, peut-être ne l'approuverais-je pas de s'être séparé de l'armée des Grecs pour je ne sais quelle petite fille qui lui fut enlevée. Après cela, il suffit de prononcer les noms d'Alcibiade, d'Hannibal et d'Achille pour que toute contention soit finie. Il en est de même aujourd'hui de Lyra Condus, inexorabilis Chateaubriand. Quand on a prononcé son nom, tout est fini. Avec ce nom, quand je me dis moi-même, il se plaint, je sens s'émouvoir ma tendresse. Quand je me dis « la France lui doit », je me sens pénétré de respect. Oui, mon ami, la France vous doit. Il faut qu'elle vous doive encore davantage. elle a recouvré de vous l'amour de la religion de ses pères. Il faut lui conserver ce bienfait, et pour cela il faut la préserver de l'erreur de ses prêtres, préserver ses prêtres eux-mêmes de la pente funeste où ils se sont placés. Mon cher ami, vous et moi n'avons cessé depuis longues années de combattre. C'est de la prépondérance ecclésiastique se disant religieuse qu'il nous reste à préserver le roi et l'État. Dans les anciennes situations, le mal avec ses racines était au-dedans de nous. On pouvait les circonvenir et s'en rendre maître. Aujourd'hui, les rameaux qui nous couvrent au-dedans ont leurs racines au-dehors. Des doctrines couvertes du sang de Louis XVI et de Charles Ier ont consenti à laisser leur place à des doctrines teintes du sang d'Henri IV et d'Henri III. Ni vous ni moi ne supporterons sûrement cet état de choses. C'est pour m'unir à vous, c'est pour recevoir de vous une approbation qui m'encourage. C'est pour vous offrir comme soldat mon cœur et mes armes que je vous écris. C'est dans ces sentiments d'admiration pour vous et d'un véritable dévouement que je vous implore avec tendresse et aussi avec respect, comte de Montlosier. Randanne, 28 novembre 1825. Paris, ce 3 décembre 1825. Votre lettre, mon cher et vieil ami, est très sérieuse, et pourtant elle m'a fait rire pour ce qui me regarde. Alcibiade, Hannibal, Achille, ce n'est pas sérieusement que vous me dites tout cela. Quant à la petite fille du fils de Pélée, si c'est mon portefeuille dont il s'agit, je vous proteste que je n'ai pas aimé l'infidèle 3 jours et que je ne l'ai pas regretté 1/4 d'heure. Mon ressentiment, c'est une autre affaire. Monsieur de Villèle, que j'aimais sincèrement, cordialement, a non seulement manqué au devoir de l'amitié, aux marques publiques d'attachement que je lui ai données, aux sacrifices que j'avais faits pour lui, mais encore au plus simple procédé. Le roi n'avait plus besoin de mes services, rien de plus naturel que de m'éloigner de ses conseils, mais la manière est tout pour un galant homme, et comme je n'avais pas volé la montre du roi sur sa cheminée, je ne devais pas être chassé comme je l'ai été. J'avais fait seule la guerre d'Espagne et maintenu l'Europe en paix pendant cette période dangereuse. J'avais, par ce seul fait, donné une armée à la légitimité, et de tous les ministres de la Restauration, j'ai été le seul jeté hors de ma place, sans aucune marque de souvenir de la couronne, comme si j'avais trahi le prince et la patrie. Monsieur de Villèle a cru que j'accepterais ce traitement. Il s'est trompé. J'ai été ami sincère. Je resterai ennemi irréconciliable. Je suis malheureusement né. Les blessures qu'on me fait ne se ferment jamais. Mais en voilà trop sur moi. Parlons de quelque chose plus important. J'ai peur de ne pas m'entendre avec vous sur des objets graves, et j'en serai désolé. Je veux la charte, toute la charte, les libertés publiques dans toute leur étendue. Les voulez-vous? Je veux la religion comme vous. Je hais comme vous la congrégation et ses associations d'hypocrites qui transforment mes domestiques en espions et qui ne cherchent à l'autel que le pouvoir. Mais je pense que le clergé, débarrassé de ses plantes parasites, peut très bien entrer dans un régime constitutionnel et devenir même le soutien de nos institutions nouvelles. Ne voulez-vous pas trop le séparer de l'ordre politique? Ici, je vous donne une preuve de mon extrême impartialité. Le clergé, qui, j'ose le dire, me doit tant, ne m'aime point, ne m'a jamais défendu ni rendu aucun service. Mais qu'importe, il s'agit d'être juste et de voir ce qui convient à la religion et à la monarchie. Je n'ai pas, mon vieil ami, douté de votre courage. Vous ferez, j'en suis convaincu, tout ce qui vous paraîtra utile, et votre talent vous garantit le triomphe. J'attends vos nouvelles communications, et j'embrasse de tout mon cœur mon fidèle compagnon d'exil, Chateaubriand. Fin de la section 31.